suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'Amérique des écrivains français, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a ces élections américaines qui nous tiennent en haleine et une ancienne fascination, répulsion pour ce pays qui, après la guerre, devient le symbole de la modernité. Alors pour commencer, les personnages. Un spécialiste du roman populaire, un universitaire qui nuance, un historien de l'occupation américaine, un éditeur convaincu, Morand, Céline, Breton, Lévi-Strauss, Beauvoir, Vian, une historienne qui raconte et une autrice, lectrice. Ensuite, le décor. Le Far West, la verticalité, les avant-gardes, le cinéma, l'antisémitisme, l'ambivalence, la psychanalyse, des traductions, l'égalité, la guerre froide, le jazz et la religion. Aujourd'hui, deuxième épisode, on plonge dans le jukebox. L'Amérique des écrivains français. Les passeurs de modernité. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Alors ça, ce sont des fascicules du début du XXe siècle qui ont été absolument capitaux. Mathieu Letourneux. L'arrivée de l'imaginaire américain en France et dans toute l'Europe, en réalité, c'était probablement vendu à 50 ou 100 000 exemplaires par semaine. Donc c'est des chiffres inimaginables. Vous pouvez dater ? Oui, on est en 1906, entre 1906 et la Première Guerre mondiale. Et surtout, il faut voir que c'est diffusé dans toute l'Europe. Des fascicules traduits de l'américain, qui sont les aventures de Buffalo Bill et de Nick Carter, le western avec Buffalo Bill, qui va être imité partout, et puis le récit de détective américain. Parce qu'on parle toujours de Sherlock Holmes, mais Nick Carter a été aussi important. Il y a pas que Nick Carter, il y a Nat Pinkerton, du nom de l'agence Pinkerton, de détective privé. Et puis vous avez Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain. Vous avez des dizaines et des dizaines de détectives américains. Qu'est-ce que ça veut dire un détective américain ? Ça veut dire un détective qui sort son pistolet, qui tire sur les gangsters, qui est un homme d'action et qui renvoie à tout l'imaginaire américain de la modernité, des buildings, de la technologie, de ce monde américain qui, en 15 ans, cet imaginaire va s'imposer. Et on va avoir ces deux Amériques qui seront les deux Amériques fondamentales de l'imaginaire américain à partir de là. La modernité des grandes villes de l'Est et le Far West des cow-boys. Les villes qui paraissent déjà de grosses villes impressionnantes à la fin du 19e, c'est Chicago essentiellement. Philippe Roger. New York n'a pas encore vraiment cette ligne, ce skyline de gratte-ciel. Il y a un roman de Paul Morand qui s'est beaucoup intéressé à l'Amérique lui aussi. Paul Morand écrit un roman où il raconte, c'est l'histoire d'un prof français à Columbia qui est revenu se battre pendant la guerre de 14-18, qui s'est engagé volontairement, qui est revenu faire son devoir, comme on dit, et puis qui retourne et il découvre le nouveau New York. C'est-à-dire, c'est intéressant comme image, parce que, et alors il y a une image de Paul Morand à la première page qui est forte. Il dit, lui il revient, il dit, j'ai passé 4 ans dans les tranchées, on était tout le temps courbés, et là j'arrive et je vois ces choses très grandes, les immeubles, les gratte-ciel s'élèvent comme des piles de jetons dans les casinos devant un joueur heureux. L'image est pas mal, parce que c'est une manière de dire aussi tout de suite, la Première Guerre mondiale a été le début d'un enrichissement colossal des États-Unis, puisque tous les pays sont endettés envers eux, ce qui va être une des grandes pommes de discorde dans l'entre-deux-guerres entre la France et les États-Unis. Donc on passe de l'horizontalité de tout le 19e et même du début 20e, à la verticalité. Et l'arrivée à New York, évidemment, de Bardamu dans Céline est restée une page d'anthologie, une très belle page, il faut dire. Il arrive sur sa galère. C'est très complexe, Céline. Céline est un écrivain qui a vraiment passé du temps aux États-Unis, beaucoup, et dont je dirais que ses descriptions de l'Amérique ça peut paraître paradoxal, mais sont parmi les moins anti-américaines, à mon sentiment, que j'ai lues. Il arrive donc à New York et ils arrivent comme des galériens. Toujours cette idée de l'humilité. Hein. C'est comme le personnage de Morand, il était courbé dans les tranchées. Bardamu, il arrive dans une galère, il souque avec ses camarades. Ça, c'est très important parce qu'on voit très bien, le fantasme est gros comme une maison. C'est l'idée que nous sommes maintenant tout petits, que nous sommes maintenant courbés, que nous sommes en déclin et que c'est l'Amérique qui a pris de l'ampleur et bientôt toute la place. Faut pas oublier que la France pouvait être considérée ou pouvait se considérer autour de 1914 comme la première puissance militaire, première puissance culturelle sans aucun doute. Économique, c'était déjà plus tout à fait vrai. À partir des années 20, c'est le début d'une longue descente aux enfers. Pour une surprise, ça en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage. Elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non. Elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout. Raide à faire peur. On en a donc rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle, forcément, une ville bâtie en raideur. Mais on n'en pouvait rigoler, nous, du spectacle, qu'à partir du coup, à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là, à travers une grosse brume grise et rose, et rapide, et piquante, à l'assaut de nos pantalons, et des crevasses de cette muraille, les rues de la ville, où les nuages s'engouffraient, aussi, à la charge du vent. Notre galère tenait son mince sillon juste au ras des jetées, là où venait finir une eau caca, toute barbotante d'une kyrielle de petits bachots et remorqueurs avides et cornards. Pour un miteux, il n'est jamais bien commode de débarquer nulle part. Mais pour un galérien, c'est encore bien pire. Surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe. C'est tous des anarchistes, qu'ils disent. Ils ne veulent recevoir chez eux, en somme, que les curieux qui leur apportent du pognon. Parce que tous les argents d'Europe, c'est des fils à dollars. Voyage au bout de la nuit, Céline. D'abord, il y a une relation nouvelle aux États-Unis qui naît de l'intervention américaine dans la guerre. Alexis Buffet. Et qui génère des rapports géopolitiques nouveaux, puisque la France va devenir débitrice financièrement des États-Unis, et des rapports culturels nouveaux. En 1918, au moment de l'armistice, on a 2 millions de soldats américains qui sont sur le sol français. Donc c'est la première fois qu'aussi massivement on a une présence américaine en France, et avec ces soldats, c'est évidemment tout un pan de la culture américaine qui arrive en France. Alors, les phénomènes évidemment les plus connus sont ceux de la musique américaine, le cakewalk, le ragtime, le jazz, le cinéma américain également, et bien sûr la littérature américaine. Alors d'abord, dans une forme entre guillemets feuilletonesque, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dime novels, hein, des petits fascicules pas chers de Nick Carter, Buffalo Bill, ce genre de choses. Et puis, un peu plus tard, à partir du milieu des années 20, la littérature américaine, et notamment le roman américain, qui va avoir une détonation particulièrement importante. Alors, l'influence culturelle des États-Unis, elle commence assez tôt, finalement. Ludovic Tournès. Dès la deuxième moitié du 19e siècle, si on prend influence culturelle au sens large, il y a une présence matérielle américaine, bien entendu, à travers les produits fabriqués par l'industrie américaine, mais il y a une présence aussi symbolique des États-Unis qui est assez forte à partir des années 1800. 1850-1860, puisque finalement, on commence à parler d'américanisation, et probablement les premiers à employer le terme, c'est les frères Goncourt, dans leur journal où ils analysent la vie parisienne. Donc il y a cette présence à la fois physique et symbolique qui est très forte fin du 19e siècle, et puis elle devient surtout beaucoup plus importante à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment la grande charnière, parce que c'est le moment où, bon, non seulement les écrivains américains sont plus présents, évidemment, en France, mais c'est le moment aussi où il y a un certain nombre de formes culturelles américaines qui s'internationalisent beaucoup, et je pense évidemment au cinéma et au jazz. Les premiers, peut-être, à s'emparer de ces nouveaux motifs, ce sont les avant-gardes, et notamment les poètes d'avant-garde. Apollinaire, par exemple, va se ruer sur les fascicules américains, de même que les futurs surréalistes. Aragon, Philippe Soupeau sont très friands de ces dime novels, notamment de Nick Carter. Ça va aussi pour le cinéma, qu'ils intègrent dans leurs textes, dans leurs poèmes. C'est le cas, par exemple, d'Aragon, qui signe des poèmes sur Charlot. Alors, certes, Charlot est britannique, mais sa production, alors, est américaine. Et Jean Cocteau, évidemment, hein, de la même manière, va intégrer des bribes de western, de films, dans ses poèmes, et ce qu'on appelle alors les serials, hein, c'est-à-dire des films à épisodes. Donc, il y a vraiment la volonté pour les avant-gardes, de s'emparer de quelque chose de nouveau, et donc de marquer une rupture avec les générations antérieures. Mais ce moment d'adhésion, j'ai envie de dire qu'il est relativement court. C'est quelque chose, pour dater approximativement, qui va s'étendre de 1917 au début des années 20, tout début des années 20, et très vite, des gens comme Aragon, alors Breton avec beaucoup plus de virulence encore, vont se détacher de ces influences-là, vont les congédier. C'est un rejet idéologique de la société américaine. En fait, un fait qui est marquant aux États-Unis, c'est aussi que c'est un pays qui se met en scène en permanence. Oliver Gellmeister. Donc l'Amérique se vend dans le monde entier à travers le cinéma, aussi à travers la littérature. Et donc, elle est tout le temps à se tendre un miroir pour essayer de se comprendre, de se séduire, parce qu'elle ne s'aime pas forcément, de réfléchir sur elle-même à travers l'image, à travers les mots. Donc tous les sujets sont propices à une fiction extrêmement énergique et vivante, oui. This is my country. These are my people. This is a world I understand. This is my country. Alors, les écrivains de l'entre-deux-guerres, ils sont assez nombreux à écrire sur les États-Unis. Hein. On a des gens Tournes. Comme Paul Claudel, des gens comme André Mauroy, des gens comme Paul Morand. Et puis, plus largement, si on voit le terme d'écrivain, si on l'élargit aux publicistes ou aux universitaires, des gens comme André Seyfried, bien entendu, ou Robert Aron et Arnaud Dandieu, des gens comme ça. Donc, on a en fait, disons, la tonalité est, je dirais, elle est moins négative, elle me semble moins négative que ce qu'on entend souvent. C'est-à-dire que, évidemment, il y en a peu d'entre eux qui prennent complètement les États-Unis au sérieux, mais leur vision n'est pas uniformément négative. C'est-à-dire que très souvent, c'est une vision assez ambivalente, avec d'un côté, évidemment, le mépris hein, d'un écrivain français pétri de culture classique pour des États-Unis qui finalement sont un pays sans histoire, sans culture, et surtout concentré sur l'industrie et non pas sur la production artistique. Donc il y a ce côté mépris. Et en même temps, il y a évidemment aussi une fascination pour le dynamisme de la société américaine, cette société qui se construit par migration, qui a une croissance économique formidable et qui, effectivement, pendant les années 20, c'est la période de la prospérité avec une augmentation de la production. production et puis une entrée dans la culture de masse. Donc ils ont une vision assez ambivalente. Ils vont à la fois mépriser les États-Unis et, en tant que culture, et en même temps, quand ils vont aux États-Unis, par exemple, c'est le cas de Paul Morand, mais c'est le cas aussi de Claudel, qui a été ambassadeur aux États-Unis entre 1927 et 1933, sauf erreur de ma part. Donc voilà, ils sont en contact direct avec les États-Unis, et quelqu'un comme Paul Morand apprécie tout à fait l'architecture new-yorkaise, par exemple, tout en considérant là aussi, encore une fois, avec de haut, disons, ce pays sans culture. Alors, Paul Morand a un rapport complexe aux États-Unis. Plus le temps passe, plus il a un rapport hostile aux États-Unis. Donc New York est un texte... C'est un portrait de ville, genre qu'initie Paul Morand. C'est un texte alors qui est reconnu pour ses qualités stylistiques et qui est cependant travaillé par une idéologie sourde, mais qu'il faut qualifier d'antisémite et de xénophobe et d'anticommuniste. Voilà, dans sa préface, Philippe Solers dit que Paul Morand est antisémite, on va dire... pas par accident ou par passage, mais comme dans l'air du temps. Y a un peu plus que ça. Hein, sa description des juifs, des foules de banlieue, extrêmement péjorative. Et d'ailleurs, New York, pour Morand, c'est Manhattan. Et avant l'arrivée de l'homme blanc sur l'île de Manhattan, il n'y avait rien. L'expression qu'il emploie dans son texte, c'est la race aryenne qui... a construit Manhattan, qui a produit la civilisation américaine et dont on peut être fier, etc., etc. Pierre Drieux-La Rochelle a un statut un peu particulier parce qu'il n'a pas écrit de texte entièrement consacré aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Et pour autant, c'est quelque chose qui parcourt littéralement toute son œuvre, aussi bien ses essais que ses articles politiques et ses romans et nouvelles. Drieux-La Rochelle, c'est en quelque sorte l'héritier de Paul Valéry dans son rapport aux États-Unis. C'est l'idée que l'Europe, et la France plus particulièrement, entre dans une période de décadence, et qu'elle risque d'être colonisée par les États-Unis. Alors c'est une colonisation d'autant plus pernicieuse qu'elle n'est pas armée et violente, mais qu'elle se fait à l'aide de capitaux, etc. Et oui, étrangers, notamment américains. Alors on peut presque voir, c'est aussi visible chez Aron et Dandieu, comme une sorte de némésis du colonialisme, un colonialisme à l'envers. Et donc chez Drieux, on retrouve ce motif-là transposé dans les romans, et notamment dans le rapport homme-femme, un homme français et une femme américaine. D'ailleurs, la femme américaine, son corps ressemble à un dollar dans la description que Drieux-La Rochelle en fait, dans le roman Gilles de Drieux-La Rochelle. Et on retrouve la question des dettes de guerre, en fait, dans les rapports humains, où le personnage français, masculin, se trouve débiteur de la femme américaine. Donc c'est quelque chose là qui est très fantasmatique, puisqu'on transpose à des relations humaines quelque chose qui est de l'ordre géopolitique. Et c'est quelque chose qui existe également dans Voyage au bout de la nuit de Céline. Les rapports de Bardamu avec Lola, c'est la même chose, en quelque sorte. Et puis, peut-être un des plus ambivalents, c'est Céline, qui est à la fois, dans Voyage au bout de la nuit, il y a des pages assez célèbres là-dessus. Il a une vision qui n'est pas du tout idéologique, qui est très ambivalente. C'est-à-dire qu'à la fois, on va avoir un Céline qui est, par exemple, facile fasciné par les jambes calibrées des Américaines, mais non, là il y a toute la dimension fantasmatique, et en même temps qui va avoir une vision extrêmement négative. Il y a un passage sur les usines Ford notamment, puisque Bardamu est engagé aux usines Ford à un moment donné, et où il y a cette description au vitriol des usines Ford qui transforme les hommes en chimpanzés et qui sont complètement abrutis par le bruit des usines, etc. Donc derrière ça, il y a évidemment une dénonciation du système économique américain et de la production de masse, etc. Mais en même temps, Céline est un personnage qui doit beaucoup aux États-Unis, en particulier. Bon, il est allé aux États-Unis parce qu'il a été engagé à la section d'hygiène de la Société des Nations par le biais de la recommandation de la Fondation Rockefeller. Et donc, il a quand même cette vision aussi... comment dirais-je, positif par ce biais-là, parce qu'il ne peut pas être uniformément négatif vis-à-vis des États-Unis. Donc, moi, cette ambivalence, je trouve, elle est présente chez pas mal d'écrivains français de l'entre-deux-guerres. Alors, ça n'empêche pas qu'il y en a certains qui vont condamner unilatéralement les États-Unis, ça c'est très clair. Bon, des gens comme par exemple Robert Aron et Arnaud Dandieu, hein, qui sont célèbres pour leur essai Le cancer américain, bon, ça veut tout dire, hein, le titre. Et puis, bon, évidemment, des gens comme Georges Duhamel avec ses Sept de la vie future, où finalement on serait bien en peine de trouver des passages vraiment positifs, hein, sur les États-Unis, si ce n'est comme ça, par-ci par-là, de façon anecdotique. I don't understand. Like the beat beat of the tom tom when the jungle shadows fall. Like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall. Emmanuel Loyer, quels étaient les sentiments de Lévi-Strauss vis-à-vis de l'Amérique, l'Amérique du Nord? Alors, les sentiments de Lévi-Strauss pour l'Amérique du Nord étaient certainement régis par une certaine ambivalence. D'une part, il a toujours dit et écrit sa reconnaissance éternelle à l'égard des États-Unis, où il s'est exilé de 1941 à 1947. Il a bénéficié d'un programme de sauvetage des savants. Il a toujours dit que les États-Unis lui avaient vraisemblablement sauvé la vie puisqu'il était juif et qu'il aurait dû se cacher pendant la guerre. Bien. Et en même temps, à côté de ce sentiment de reconnaissance, il y a une sorte de répugnance, on peut dire, vis-à-vis de la société américaine qui est certainement commune à beaucoup de Français et d'intellectuels français. Mais Lévi-Strauss, je crois, contrairement à pas mal d'autres, ne veut pas donner dans l'anti-américanisme épidermique, ne peut pas d'ailleurs, parce que il a quand même cette expérience de vie. Contrairement à la plupart des intellectuels français, il a quand même vécu 6 ans là-bas. Donc on peut dire qu'il a fait de l'observation participante dans la société américaine. Et alors, les répugnances qu'il a, c'est assez commun avec d'autres, sans doute. C'est-à-dire, et on les trouve de façon un peu voilée, hein, dans un article qui est assez peu connu, qui s'appelle « La technique du bonheur », qui a été publié dans Esprit en 1946. Et déjà, on voit le titre qui suggère, disons, des réticences vis-à-vis du conformisme de la société américaine, du primat de la loi du groupe. Donc on retrouve, je pense, ce motif très classique de l'anti-américanisme, c'est-à-dire c'est le pays de l'individu roi, mais en fait non, c'est le pays de la société reine et le primat de la loi du groupe. Également un autre motif qu'on retrouve, une sorte d'infantilisme généralisé. Bon voilà. Lévi-Strauss, lorsqu'il est à New York, constate, comme d'autres, le succès de la psychanalyse qui a été importée aux États-Unis par Freud lui-même au début du siècle, mais une psychanalyse qui s'est déjà transformée et qui est en partie pervertie, disons, par rapport à la tradition freudienne, la tradition européenne, d'investigation psychique. Là, c'est une psychanalyse qui rejoint, en fait, des courants déjà très présents dans les années 40 dans la société américaine et qui sont toujours très actuels, c'est-à-dire des courants de, je dirais, feel-good movies, feel-good books, etc. C'est-à-dire comment se relaxer, comment finalement atteindre à une vie, là aussi, sans angoisse. Et tout cela semble très suspect à Lévi-Strauss, qui d'ailleurs à l'époque fréquente un certain nombre de psychanalystes, mais de psychanalystes autrichiens de la tradition européenne. Donc voilà, cette psychanalyse qui est devenue massive, finalement, participe à ce mouvement de dédramatisation d'une société sans héroïsme et sans drame, que finalement il observe non sans une certaine perplexité. Le passage de la littérature américaine en France, et plus particulièrement du roman américain, parce que c'est ça vraiment la nouveauté, hein. Au 19e siècle, on traduit la littérature américaine. C'est pas quelque chose d'inédit. Hein. Balzac était un lecteur de Fenimore Cooper, George Sand lisait des romans américains de la même manière. Bon, Jack London est traduit assez rapidement en France. La grande nouveauté, ça va être, là encore, un phénomène, on va dire, de massification de la traduction. Et au milieu des années 20, on commence à traduire John Dos Passos, hein, 1917, L'initiation d'un homme. Et il y a un phénomène qui est assez curieux, c'est-à-dire que jamais l'Amérique n'a été aussi à la mode qu'à ce moment-là. Et pour autant, on a l'impression que les maisons d'édition retardent énormément. Alors, les auteurs qui sont traduits à ce moment-là, ce sont John Dos Passos, John Steinbeck, Erskine Caldwell, Ernest Hemingway, bien sûr, et William Faulkner. Mais dans un premier temps, cette réception, elle n'est pas esthétique. C'est une réception qui est essentiellement idéologique. Et peut-être que l'ouvrage qui traduit le mieux cela, c'est Le Babbitt de Sinclair Lewis, donc qui reçoit le prix Nobel. Et ce prix Nobel-là est très, très ambigu. On dit que c'est pour le contenu du livre qui est reçu comme étant nettement anti-américain, et non pas pour ses qualités esthétiques qu'il est reconnu. Et très longtemps, cette espèce de préjugé va perdurer chez la critique française et les écrivains français. Et cette réception, donc, d'abord idéologique, va ensuite effectivement devenir esthétique. Et donc, à partir du milieu des années 30, des gens comme Philippe Soupeau, là encore, ou Eugène Dabi vont écrire des articles qui mettent en valeur les qualités esthétiques des textes américains. Et le plus grand tournant, ça va être les articles fondateurs de Sartre en 1938-1939 sur Dos Passos notamment, où là, le roman américain devient une espèce d'étalon or de la modernité. C'est le point de repère de la modernité. Et Sartre, d'ailleurs, s'empare du modèle du roman américain pour ensuite voilà, prendre sa place dans le paysage littéraire français. Tout ce qu'il veut nous faire voir, nous l'avions déjà vu, et à ce qu'il semble d'abord, précisément comme il veut nous le faire voir. Nous reconnaissons tout de suite l'abondance triste de ces vies sans tragique. Ce sont les nôtres, ces 1000 aventures ébauchées, manquées, aussitôt oubliées, toujours recommencées, qui glissent sans marquer, sans jamais engager, jusqu'au jour où l'une d'elles, toute pareille aux autres, tout à coup, comme par maladresse et en trichant, écœure un homme pour toujours, négligemment détraque une mécanique. Or, c'est en peignant comme nous pourrions les peindre ces apparences trop connues dont chacun s'accommode que Dos Passos les rend insupportables. Il indigne ceux qui ne se sont jamais indignés. Il effraie ceux qui ne s'effraient de rien. N'y aurait-il pas eu de tour de passe-passe ? Je regarde autour de moi. Des gens, des villes, des bateaux, la guerre. Mais ce ne sont pas les vrais. Ils sont discrètement louches et sinistres, comme dans les cauchemars. Mon indignation contre ce monde-là, elle aussi, me paraît louche. Elle ressemble seulement, et d'assez loin, à l'autre, à celle qu'un fait divers suffit à provoquer. Je suis de l'autre côté de la glace. À propos de John Dos Passos et de 1919, Jean-Paul Sartre. Alors, il y a un roman américain que j'adore, qui est Lumière d'août de Faulkner. Maïlis de Kerangal. Et puis, j'ai relu la Manhattan Transfer de Dos Passos. Et je pense que je le trouve emblématique de ce qu'a été la littérature américaine pour moi, c'est-à-dire l'idée que dans Manhattan Transfer, ce sont des scènes qui s'enchaînent avec un cut-up très très rapide. Ce qui serait peut-être le précurseur magnifique du shortcut, par exemple, du film. De Robert Altman. Ouais, de Robert Altman. Parce que on retrouve des personnages, bien sûr, on les suit, mais les scènes sont simplement juxtaposées. Il n'y a pas l'orchestration d'un grand roman à thèse, il n'y a pas de discours sur l'Amérique, il n'y a pas ce qui pèse toujours dans la littérature, c'est-à-dire l'idée de défendre une idée. Au contraire, c'est un roman qui est où la situation prime toujours sur l'idéologie. Et ça, c'est très puissant. Et moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est jamais démonstratif. Il y a une. Voilà, c'est des personnages, ce sont des scènes. Un type livre du lait, d'autres. Il y a un type alors, qui cherche du boulot, d'autres débarquent d'un bac. Et puis le roman part comme ça, il y a toute une petite société qui se met en place dans la première partie. Et c'est à la fois très brillant, ça permet aussi à cette écriture extrêmement précise, des personnages qui émergent, mais qui sont jamais, si vous voulez, il n'y a pas le personnage principal. Les personnages sont justement tous un peu à égalité, tous un peu sur un même plan d'immanence. Les vies se valent, les vies sont toutes valent toutes le coup d'être écrites, valent toutes le coup d'être lues. Il y a cette espèce d'égalité de traitement qui me plaît énormément. Vous voyez, on n'est pas dans cette espèce de grande hiérarchie du roman français, voilà, où il y a le personnage principal, les personnages. Là, bon Dieu, je voudrais être un gratte-ciel. La serrure tournait en cercle pour empêcher la clé d'entrer. Adroitement, Stan choisit son moment et l'attrapa. Il s'élança, tête baissée, par la porte ouverte et traversa la longue antichambre, appelant Pearline dans le salon. Ça sentait drôle, l'odeur de Pearline. Le diable l'emporte. Il saisit une chaise. La chaise eut envie de voler. Elle tournoya au-dessus de sa tête et s'écrasa dans la fenêtre. Les vitres tremblèrent et tintèrent. Il regarda par la fenêtre. La rue se tenait debout. Les échelles et une pompe à incendie la grimpaient, rapide comme l'éclair, traînant derrière elle un hurlement de sirène. « Fire, fire, pour on water, Scotland is burning !» Un incendie de $1,000, un incendie de $100,000, un incendie $1,000,000. Les gratte-ciel s'élèvent comme des flammes, en flammes, flammes. Il tourna sur lui-même dans la pièce. La table fit le saut périlleux. Le vaisselier sauta sur la table. Des chaises de chêne grimpèrent tout en haut près du bec de gaz. « Pour on water, Scotland is burning. » Je n'aime pas l'odeur de cette chambre, dans la ville de New York, comté de New York, état de New York. Il gisait sur le dos, par terre dans la cuisine vacillante, et il riait, riait. Le seul homme qui échappa à l'inondation chevauchait une grande dame sur un cheval blanc. Les flammes montent, montent, pétrole, murmure un bidon à face huileuse dans un coin de la cuisine. Manhattan Transfer, John Dos Passos. À quel moment et dans quel contexte Simone de Beauvoir s'intéresse-t-elle aux États-Unis, Emmanuel Loyer ? Alors, elle s'y intéresse comme tous les gens de sa génération, ou une partie des gens de sa génération, dès les années 30, à travers notamment la littérature américaine qu'elle lit. Elle lit bien l'anglais. Et elle va participer à tout ce moment d'américanophilie. Qui finalement conjugue un certain nombre d'arts et de pratiques, l'écoute du jazz, la découverte de la nouvelle littérature américaine des années 30, Dos Passos notamment, et puis aussi le cinéma bien sûr. Et lorsqu'elle va aux États-Unis vraiment, en 1947, elle prend pour la première fois l'avion, etc., et qu'elle raconte ça ensuite dans ce livre « L'Amérique au jour le jour », c'est assez étonnant de voir à quel point elle avait des images et des sensations de l'Amérique déjà présentes, je dirais, dans son cerveau. Et souvent, ce voyage prend les allures de retrouvailles, parce que, évidemment, c'était quelqu'un d'assez, qui allait beaucoup au cinéma. Et le cinéma américain avait déjà gravé presque, par exemple, la scène de l'arrivée devant Battery Park, devant New York, la skyline new-yorkaise, les émigrants, etc. Bon, alors elle ne va pas vivre ça parce qu'elle arrive en avion. Mais c'est quelque chose comme les exilés d'ailleurs. Et puis très souvent, par exemple, lorsqu'elle est en Californie, devant tel ou tel paysage, devant lesquels elle est souvent d'ailleurs abasourdie. Elle prend, c'est quand même une femme... qui n'a pas beaucoup, je trouve, le sens de la nature, et elle est sidérée devant certains paysages à la démesure proprement américaine, mais elle ne sait pas très bien quoi en faire. Cependant, elle en ressent souvent une forme de plaisir parce que ça lui rappelle tel ou tel film. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'approprie finalement des paysages qui sont presque parfois monstrueux à travers la grandeur, etc. En revenant par des avenues froides, sous le noir plafond du métro aérien, je me dis que jamais la misère ne m'a paru si horrible qu'à New York et à Chicago. J'ai vu à Madrid les faubourgs de Vallecas, à Lisbonne la Côte de Grâce, les rues grouillantes de Naples, et dans le Sousse marocain, des enfants aux pieds tournés devant derrière, aux yeux aveuglés par des cils tordus. Cette misère des pays pauvres est souvent affreuse, mais liée au dénuement du sol, à l'aridité des ruisseaux. C'est la misère d'une espèce animale. Et bien sûr, à l'horizon, l'injustice est présente et la sottise. Mais leur visage dans un pays riche est plus proche et plus cruel. À Naples, à Lisbonne, si pauvres que soient les gens, des joies animales leur sont encore permises. L'ardeur du soleil, la fraîcheur d'une orange, des étreintes dans l'ombre des lits. On les entend souvent chanter et rire, et ils se parlent. Ils sont pauvres ensemble. Ensemble, ils soignent leurs malades. Ils pleurent leurs morts. Ils honorent leurs saints. Autour de leurs corps affligés, ils sentent du moins une chaleur humaine. Ici, les pauvres sont des maudits. C'est la grande malédiction des hommes seuls. Ils n'ont ni foyer, ni famille, ni amis. Aucune place sur terre. Ils ne sont que déchets, une écume inutile qu'on considère sans pitié. L'Amérique au jour le jour, Simone de Beauvoir. Quand elle va aux États-Unis, donc en 1947, c'est important la date parce qu'on est au printemps 47. En tout cas, bon, elle est proche du Parti communiste et on est au tout début de la guerre froide. La guerre froide est en train de se mettre en place et va éclater, on va dire, dans les mois suivants, mais elle est déjà en partie installée. Alors, le contexte joue, au sens où très souvent on voit que, on lit hein, dans l'Amérique au jour le jour, que voilà, le fascisme n'est pas, le totalitarisme n'est pas chez les soviets, mais il est un totalitarisme insidieux qu'elle repère dans le côté complètement amorphe, par exemple, des étudiants américains, de la société américaine. Alors là, je dirais que le contexte joue, et puis en même temps, un vieux substrat dont Philippe Roger a montré qu'il était historiquement constitué depuis déjà plusieurs décennies, hein, voire peut-être un siècle ou deux, mais enfin, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire toujours des mêmes motifs de justement le faux individualisme, le conformisme, l'ennui, la fadeur, etc. Bon, alors elle est très sensible, si vous voulez, à la fois au côté, en effet, conformiste, très joviaux de certains Américains, optimistes de façade, les parties et tout ça, et puis en sourdine, qui travaille la société américaine, les conflits de classe, de race énormément, et aussi de genre. Ça c'est, alors de race, elle le voit beaucoup dans le sud, elle passe plusieurs semaines dans le vieux sud américain, et elle est très choquée, elle le dit, elle ressent de façon très cruelle aussi le fait de ne pas pouvoir aller finalement dans certains quartiers. Le séjour dure longtemps. Ah bah oui, ça dure 4 mois. Ouais, ça dure 4 mois. Et puis alors, elle a ce côté très beauvoirien, si vous voulez. C'est une sorte d'avidité extraordinaire. Elle dort jamais, on a l'impression. Elle boit beaucoup de whisky. Alors vous voyez, en même temps, alors c'est là où je voulais en venir aussi. Oui, elle a une sorte de mais je dirais que ça c'est pas spécifique, c'est pas parce que c'est les États-Unis. Lorsqu'elle arrive à Marseille au début des années 30, c'est pareil. Elle a une sorte, elle a un côté cannibale. Elle veut, elle s'approprie le monde en le mangeant, si je puis dire, par tous les pores, par tous les sens. Et là, c'est la même chose, ce qui lui donne aussi une grande curiosité à la fois, et qui n'est pas seulement livresque. C'est aussi avec les jambes. Elle marche beaucoup. Elle veut voir quoi. Elle veut voir, elle veut comprendre. Mais juste ce que je voulais dire, c'est que elle a quand même une sorte de très grand plaisir aussi et de très grand contact avec cette Amérique critique finalement de l'Amérique blanche, qui est l'Amérique noire, à travers la littérature. Alors je dirais la littérature noire, celle de Baldwin, de Richard Wright, etc. Mais aussi bon le jazz, les soirées un peu partout, notamment à New York, où ils ont tous un pick-up, ce que n'avaient pas les Français. Donc les soirées se passent beaucoup à écouter du vieux jazz, parce qu'elle a déjà des critères, le vieux jazz est meilleur, elle parle du bebop, etc. Bon. Et bon, elle aime le whisky aussi, et donc elle a toute une série de choses aussi qui la rattachent, mais à une Amérique qui elle-même est très critique de l'Amérique, je dirais... de l'Amérique bien pensante, de l'Amérique wasp. Alors il y a une chose très étonnante dans l'Amérique au jour le jour, elle parle beaucoup de l'abstraction américaine, ça c'est étonnant, on est dans un moment où la peinture est abstraite, la musique abstraite, elle dit, je le note sans encore avoir les moyens de comprendre ce paradoxe entre une Amérique matérialiste, riche de réalisations concrètes, et en même temps une forme d'abstraction. L'après-deuxième guerre mondiale, c'est un deuxième moment charnière parce qu'on a à nouveau, après 4 ans d'occupation, où finalement la France a été coupée des États-Unis, il y a à nouveau l'armée américaine qui arrive, et il y a à nouveau la culture matérielle américaine qui déferle, et puis la culture tout court, avec la musique en particulier, le cinéma aussi, etc. Et donc là, on a, je dirais, la poursuite à un degré encore plus important des phénomènes qu'on avait observés après la Première Guerre mondiale. C'est le cas pour le cinéma qui continue à se diffuser beaucoup, et c'est le cas aussi pour le jazz, avec une augmentation du public importante, et puis la poursuite de tous ces discours sur le jazz qu'on a vu déjà dès l'entre-deux-guerres. Alors là, il y a une autre génération de personnes qui écrivent sur le jazz qui arrive à maturité. Bon, l'un des plus connus, c'est Boris Vian, bien entendu. Alors lui qui a à la fois la double casquette d'amateur de jazz, enfin même, il a je ne sais combien de casquettes, Boris Vian. Il est critique de jazz, il est musicien amateur à 16 heures, animateur des soirées de Saint-Germain-des-Prés et écrivain, bien entendu. Et donc, Boris Vian, c'est un exemple de ces gens qui non seulement ont aimé le jazz, mais dont l'écriture aussi a été influencée par le rythme du jazz, non pas seulement les thématiques, mais la façon d'écrire. Hein. En tout cas, l'idée de rechercher dans l'écriture les inflexions, le rythme du jazz. Et donc, Boris Vian est un des écrivains français de l'après-guerre qui, effectivement, est le plus imprégné de tout cet univers-là. En dehors du fait qu'il est aussi très imprégné d'une fascination pour les États-Unis, où il n'a jamais été. Hein. C'est vraiment, Boris Vian en a vraiment l'exemple de quelqu'un qui s'est construit des États-Unis idéaux, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Et on a aussi également avec lui cette différence qu'on a vue déjà dans l'entre-deux-guerres avec des gens qui aiment le jazz mais qui peuvent aussi être fondamentalement critiques de la ségrégation aux États-Unis et notamment dans ses chroniques de jazz hein, qu'il fait dans Jazzot, Boris Vian ne manque jamais de critiquer hein, la ségrégation américaine. Et donc on a vraiment ces deux pôles, à la fois fascination pour la musique de jazz et en même temps une critique radicale de la société états-unienne. Mais pour moi, évidemment que les États-Unis, il y a cette mémoire, enfin, les États-Unis sont construites sur un peu de crimes contre l'humanité, d'une certaine manière, à la fois l'esclavage et puis le génocide indien. Et évidemment que la littérature américaine est actuellement, porte ça. Et puis le traître, enfin, je sais pas, Toni Morrison ou Louise Erdrich, par exemple, sont deux femmes et l'une et l'autre portant ces voix-là. Dans des romans sublimes, mais ce que je veux dire, c'est que la littérature française, elle, faisait moins venir le primat de la géographie, le primat de l'espace sur le temps, le primat de la géographie sur l'histoire, etc. C'est ça la conversion américaine que moi j'ai pu vivre. C'est que tout d'un coup, la géographie, les espaces où on est, ce qui s'y passe, la situation, la manière dont l'espace n'est plus traité comme un décor, mais comme le ferment du récit, ça, pour moi, c'est très américain. Et ça, c'est pas très français. En français, c'est on arrive à la pension Vaucaire, on s'arrête, et il y a les 30 pages qui disent, évidemment, qui disent tout de l'aise. Mais si vous voulez, on n'est pas complètement dans cette espèce d'enchaînement, dans cette espèce de déroulé. Il y a clairement deux temps. On n'est pas dans un espèce de fondu enchaîné. Dans la littérature américaine, j'ai le sentiment que c'est plus, imbriqué, vous voyez, que c'est plus fondu. We need it so proud. We got to have it so proud. No, we want it so proud. Got to have it so proud. Give it to me so proud. Hey! We need it so proud. We want it so proud. We got to have it so proud. I wanna get it. I'm just kidding. Vous pouvez rappeler Emmanuel Loyer qui était Jacques Maritain et pourquoi il se trouvait aux États-Unis. Alors Jacques Maritain était un drôle d'oiseau, si je puis dire, un intellectuel, philosophe, catholique, qui a représenté le courant néo-thomiste en France et qui, dans les premières décennies du XXe siècle, a un peu incarné, avec d'autres plus connus que lui, comme Peggy, Bernanos, une sorte de renouveau finalement de la pensée catholique. Lui-même ayant évolué politiquement et idéologiquement de façon quand même très notable, il était proche d'une sorte de maurrascisme classique, on va dire, et après 1926, il évolue, il quitte les rivages de l'Action française pour finalement aller vers une réflexion aussi sur la modernité. Et je dirais que cette évolution politique et idéologique est renforcée par son séjour aux États-Unis, qui se déroule dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1940 à 1945, date à laquelle il va quitter New York pour devenir ambassadeur de France, du gouvernement provisoire, sauf erreur, auprès de la papauté, nommée par le général de Gaulle. Donc, vous voyez, et alors, pour terminer, ensuite, la fin de sa vie, notamment les années 50, il meurt à la fin des années 50, il revient aux États-Unis, où il est quelqu'un de beaucoup plus connu en fait qu'en France. Donc voilà un peu pour l'itinéraire de vie, c'est tout à fait original. Sur l'évolution politique, juste un mot, c'est quelqu'un d'intéressant Jacques Maritain parce que, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va être président de l'École libre des hautes études, qui était un institut où a enseigné par exemple Lévi-Strauss des exilés français. C'est quelqu'un qui écrit un livre qui s'appelle « À travers le désastre », qui est un des grands livres de la littérature politique de l'exil, où il fait une analyse très critique du régime de Vichy et de la politique de collaboration. Et j'insiste sur le fait que, à travers notamment les émissions Voice of America, c'est un des seuls à parler pendant la guerre, de façon ouverte, à plusieurs reprises, de ce qui est en train de se passer dans les camps de concentration. Donc bizarrement, et là j'en reviens à votre question initiale sur le rapport avec les États-Unis, au départ, vous pensez bien que ces catholiques voient les États-Unis comme Hollywood, une sexualité débridée, enfin tout un tas de clichés d'une Amérique déchristianisée, la modernité, la sécularisation à outrance, superficielle, le malheur contemporain, quoi. Et bizarrement, ça va complètement se transformer. L'Amérique devient tout d'un coup la nouvelle Rome, terre, je dirais, de mission. Et terre de mission reconnaissante parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, après 45, eh bien, non, pas après 45, il reste, je crois, 3 ans ambassadeur à Rome. Et ensuite, finalement, il va se trouver beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France. Donc l'Amérique va lui rendre, finalement, ce qu'il lui a donné. Et on peut dire, en simplifiant un peu, mais que Maritain, en préparant, en théorisant, en rendant possible aussi les retrouvailles de la démocratie et du catholicisme, même si ça a été un long processus en France aussi, mais aux États-Unis aussi, certains disent que on peut aussi faire l'hypothèse que Maritain a aussi préparé le terrain pour l'élection d'un président des États-Unis catholique, ce qui sera le cas de Kennedy en 1960. Donc voilà, c'est quand même une trajectoire intéressante dans le rapport aux États-Unis. Alors aujourd'hui, c'est... Non, j'hésite à entrer sur ce terrain. D'abord parce que j'ai beaucoup donné et que je ne suis pas forcément de près à tout ce qui s'écrit sur l'Amérique. Je crois qu'il y a, quelque chose d'intéressant, en tout cas, parmi les romanciers et romancières contemporains. Ce qui est intéressant, c'est que les écrivains qui aujourd'hui mettent en scène l'Amérique ont tous maintenant parfaitement conscience du... Ils ne sont pas naïfs vis-à-vis de l'anti-américanisme des générations précédentes. Hein. On peut dire qu'il n'y a plus d'innocence à cet égard. Je crois que le philosophe Baudrillard a été un des premiers à nous faire perdre notre innocence à cet égard, dans son petit livre « Amérique », qu'on peut prendre à la fois comme un livre très américain et en même temps comme un livre très ironique vis-à-vis des Français regardant l'Amérique. Et je suis très frappé parce que ce livre, où il y a vraiment beaucoup de méchanceté sur l'Amérique, l'Amérique d'ailleurs qui se réduit à la Californie et qui elle-même se réduit plus ou moins aux autoroutes autour de Los Angeles, et quand je fais ça avec mes étudiants américains, ils me disent « Mais non, monsieur, il a raison, c'est exactement ça !» Et bon, je crois que ce qu'il y a de nouveau, c'est ça, c'est une... L'Amérique est en scène plutôt déjà comme un récit. Ça tient aussi au caractère souvent de la recherche postmoderne de la plupart de ces récits. Hein. Donc c'est une mise en scène de ce qui est déjà toute une culture qui intègre l'anti-américaniste comme faisant partie de la vision de l'Amérique. C'est ce qui me frappe surtout dans le contemporain. Donc évidemment, ça devient insaisissable, hein, puisque c'est comme les poupées russes, on ne sait plus très bien à quelle poupée on en est. Mais donc, maintenant, c'est devenu un champ d'études. L'anti-américanisme, c'est devenu un domaine. La phrase type que j'entends maintenant, c'est « Sans faire d'anti-américanisme, je dirais que... » L'Amérique des écrivains français. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. C'était « Les passeurs de modernité » avec Mathieu Letourneux, Alexis Buffet, Ludovic Tournès, Oliver Gallmeister, Emmanuel Loyer, Philippe Roger et Maëlys de Kerangal.